Ajibala mamba koko amode bodalo uwa amode bodalo uli pano chewi mode bodofena Ajibala mamba koko amode bodalo uwa amode bodalo uko pano chewi mode bodofena Ajibala mamba koko amode bodalo uwa amode bodalo umbe kodo tawi mode bodalo Amode bodalo uli pano wimode bodalo uwa Ajibala mamba koko amode bodalo uwa Amode bodalo uli pano wimode bodalo uwa Oje Tu sais François et Tumao piam chouchou piam piam elini piam piam chouchou piam piam elini piam piam chouchou piam piam elini piam piam chouchou piam piam elini piam piam. Jolie bonté, jolie bonté, j'ai l'aimant pour les jours, jolie bonté. lo de Dios.